jamais la disquette, elle fait ça en cred. Baby, quand je te vois, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. J'y pense 7 sur 7, H24. Faut que j'arrête d'y penser. La demoiselle est déjà mariée. Un jour célibataire ou en couple, quand elle veut, c'est compliqué. Faut qu'elle arrête de me regarder, parce que moi je ne suis pas marié. Le pire c'est qu'elle fait ça en scène pendant que son petit copain n'est pas là. Failli s'envoler. Faut que j'arrête d'y penser. La demoiselle est déjà mariée. Un jour célibataire.